Bonjour. L'activité de modération désormais masquée, qu'est-ce que c'est ça? OK. Ça marche-tu, là? Bon. Bonjour. Direct du 4 mars. Vous pouvez afficher ou masquer la tête. Voyons, on s'en donne bien fatigué. OK, bon. Bon. Je ne sais pas s'il y a du monde là. Ah, bonjour, Lindus. Bon, il y a des gens. Donc, bonjour. Bonjour, Clémentine. Donc, je n'ai pas vraiment de sujet, là. Bon matin, Yann. Yann Drolet. C'est drôle, ça me dit quelque chose. Bonjour, Annick, Claudine, Carole, Marie-Jeanne. Donc, bon, ben, Sylvie. Ah, vous êtes de retour? C'était pas vous là, qui s'identifiez à ces lectures de jeunesse puis qui pensiez que je voulais la détruire. Camille, Martin, bonjour. Ah, Marie-Laure, bonjour. Nios, Bob. Nanny, Solange, bonjour. Bon. Isabelle, Isode, bonjour. Bon. Ben oui, Sylvie. Non, je suis pas sûr, c'est vous. Bon, je me serais aperçu, et pas vraiment. Bien franchement. Donc, bon, j'ai réarrêté de fumer, c'est ma troisième journée. Donc, bon, je vais avoir l'humeur que j'ai. Mais peut-être, ben, je suis de mauvaise humeur, pareil, de toute façon, d'habitude. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ils légalisent la. Bonjour, Christy. Ah, Claudine, l'image est figée. Bon, ben, ça va se défiger, là. Ça va se défiger. Ben, vous m'entendez. Tant que vous m'entendez. Bonjour, Alias. Alias Réseau. OK. Donc, je ne sais pas, là. Sabrina, bonjour. OK, le son est OK. Bon. Oh, moi, je suis figé. OK, l'image est correcte. Ben, bonjour, Nini. Ni. Allô, je viens d'arriver. Ah, Christy, oui. Carole. Il y a donc ben du monde. Bon, OK. Images sont correctes. OK. Ah, Jean. Annie. Bon, tout va très bien. Là, ils ont légalisé la cocaïne en Colombie-Britannique. Bon, on en avait parlé que ça arriverait. Que ça arriverait. Vérifiez votre réseau si ça ne va pas. Bon, ça a l'air correct, en tout cas de mon côté, là, mais c'est vrai, les gens, là. Donc, on s'est ennuyé. Ah oui, bon. Bonjour, André, Annie. Ah, ben, je vous ai déjà dit bonjour, Annie. Bon. Puis, bon, là, M. Trudeau fait semblant de protester. L'affaire à comprendre là-dedans, c'est que nous sommes gouvernés par derrière les gens qui sont là. Ah, bonjour, Saul. Les gens qui sont là, vous savez, il y a ce qui est visible. Le gouvernement est visible, si on peut dire. C'est-à-dire, les gens sont devant un rideau. Puis, il y a derrière le rideau. C'est gouverner derrière un rideau, c'est une vieille expression. C'est dans le temps de l'impératrice Tsé-Oui, là, qui est. Ah non! Maudit chat. Donc, là, l'affaire. Hein? La mafia cravatée. Ouais, qu'est-ce que je disais donc? Bon, au niveau des darwinistes sociaux, eux autres, ils veulent qu'il y ait une sélection. Donc, et eux autres, ils vont tout à fait passer pour du progrès. C'est ça le progressisme. Des mises en place d'une sélection. Donc, il faut comprendre que. Ah non, je veux pas qu'il y en, je veux qu'il s'habitue. Ah, je veux qu'il s'habitue. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça me déconcentre, là. Ah oui, bon. Les darwinistes sociaux. Puis, ben, ah. Je pense qu'à l'avenir, je vais le mettre dehors avant. Hein? Bon, eux autres, l'affaire, c'est que, ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est du darwinisme social. Puis, c'est. Voyons, je perds le fil à cause de ce maudit chat. Je vais finir par me tanner. Il est où le chat? Il est derrière la porte, mais c'est des portes en carton. Donc, bon. Fait que oui, c'était prévisible que ça arriverait. Là, il y a M. Trudeau qui fait semblant qu'il est un petit peu choqué parce que la compagnie qui va être autorisée à produire de la cocaïne, elle s'en est vantée. Mais c'est normal qu'ils jouent les offusqués, mais c'est simplement de l'hypocrisie. Puis, bon, l'affaire à comprendre là-dedans, je me suis informé, puis c'est une compagnie, c'est pas juste question de cocaïne, là. Il y a aussi question d'ecstasy, d'héroïne, carrément, là, de l'héroïne. Donc, bon, au niveau d'un darwinisme social, des gens qui veulent qu'il y ait une sélection, puis bon, ils vont souvent prétendre vouloir aider les gens, alors qu'au fond, tu gagneras pas, je sais pas, là. Parler à qui? Donc, ben non, de toute façon, moi, je me bats pas. Je suis pas en guerre contre eux autres. On sait comment que ça va aller, puis bon. Finalement, c'est certain que j'ai tout le temps été pour la répression. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, dans le fond, de sauver du monde, hein, souvent. Mais eux autres, c'est tout le temps le progressisme. C'est-à-dire que on vous met une arme chargée dans la main, puis on vous... Bon, c'est ça le progressisme. Pfizer a eu le contrat pour faire des molécules type champi. Ben oui, ils veulent ça, je le voyais venir aussi. Parce que depuis des années, il y a des psychologues et des psychiatres qui, depuis les années 60, dans le fond, qui font la promotion de psychédéliques et d'hallucinogènes pour traiter la schizophrénie. On pouvait s'en douter. On pouvait s'en douter que ça arriverait. Moi, le chat, ben, c'est parce qu'il veut que je m'en occupe. C'est un bébé. Tous les animaux, c'est un peu comme ça. Si vous vous demandez pourquoi votre chat est affectueux, puis entre autres, je ne dis pas que ce n'est pas sincère, mais c'est vous remplacez un petit peu sa mère. Vous remplacez un petit peu sa mère. Ce qui est drôle, c'est que c'est illégal. Bon, des fois, j'ai de la misère à lire les naturels, mais ça devient légal et c'est la pharma d'un coup. Ben oui. C'est étrange un peu, sachant que la drogue peut déclencher. Ben oui. Ah, bonjour de Belgique, bonjour. Nivek, Zoubia, voilà. Bernard disait dans la Genèse du réel que la drogue serait un immense fléau. Ben oui, ben oui. Mon frère est devenu, après la consommation, avoué de la schizophrénie. Go, enfin, bon, OK. Elena, ah oui. Ah oui, madame Sabrina. QD égale quand? Ah bon. J'ai de la misère des fois là, avec les termes Internet, là. Donc, bon, tout ça. Là, en plus, ils vont distribuer de l'argent à des gens en situation d'itinérance. Il y a des programmes qui arrivent en même temps. C'est le meilleur moyen de faire que ces gens-là vont rire, au fond. Puis ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Puis pourtant, bon, qu'est-ce que vous voulez, là? Hein? OK. Bon. Ben oui, ben. Prenez, moi, quand j'étais enfant, les machines à sous, c'était dénigré dans les médias comme un fléau qui détruisait les vies, mais à l'époque, c'est le crime organisé qui dirigeait ça, les machines à sous. Puis maintenant, c'est le gouvernement. Donc là, c'est correct. Puis, à un moment donné, même, j'avais appelé l'Auto-Québec, puis je voulais savoir les pourcentages de machines à sous par région. Puis moi, je suis persuadé qu'il y en a surtout dans les endroits plus pauvres. C'est toujours comme ça. C'est une façon. Prenez dans le temps, à l'époque, là, au Japon, dans le Japon féodal, le gouvernement, c'est eux qui ont créé les yakuza. Les yakuza, c'était des joueurs professionnels. C'était, admettons, qui faisaient construire des infrastructures par des ouvriers. Après, ils envoyaient des yakuza qui ouvraient des espèces de casinos où ils jouaient aux dés puis aux cartes. Puis c'était une façon de récupérer une partie des payes des ouvriers. C'est exactement ça, l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, c'est fait pour récupérer une partie de l'argent des chèques de pension, des chèques d'ABS. C'est à ça que ça sert. C'est pareil le reste. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis c'est ça de l'ingénierie sociale. C'est ça du darwinisme social. C'est-à-dire que, bon, ben en tout cas, je pense que vous comprenez, la criminalité devient légale, c'est malade. Prochaine étape, le fentanyl comme aux États-Unis. Ben, c'est possible. Même c'est probable. L'affaire, c'est que, prenez, c'est qui, dans le fond, la répression, elle se fait où? C'est quoi, dans le fond, qui est réprimé? Une taxe des vulnérables? Ben oui. Carrément. Mais ces gens-là, ils n'aiment pas les gens vulnérables. Ils n'aiment pas les faibles, au fond. Puis il y a une hypocrisie. Ils vont avoir l'hypocrisie de dire qu'ils veulent aider les gens faibles, mais c'est toujours le contraire. Prenez le Doc Mayo. Parce que dans le fond, là, de légaliser la cocaïne en Colombie-Britannique, puis même d'en produire, puis ils vont quasiment la donner si ça continue, ben, c'est pour éliminer ce que le Doc Mayo il appelle les crottés. C'est juste ça, là. Bonjour, drogue est un mauvais médicament, mal dosé. Moi, le poison est dans la dose, on peut dire. C'est Paracelse, il me semble qu'il disait ça. Mais il reste que là, il y a des limites, là. Il y a des limites. C'est ridicule. Hein? Nous sommes dans une prison virtuelle des camps de concentration. Ben oui, puis besoin de déplacer. Les déportations sont devenues inutiles. On va vous confiner dans votre maison. Puis ça ne sera pas votre maison, mais vous serez, entre guillemets, heureux. Là, regardez qui est persécuté. Il y a deux jeunes hommes hier. J'ai vu ça aux nouvelles. Puis là, ce matin, je relisais les journaux. Ben, je trouve ça louche. Je trouve ça spécial. Ils n'ont pas de dossier criminel. Puis là, ils sont traités d'extrême droite. Puis là, ils auraient saisi un arsenal chez eux. Deux jeunes, là, un de 29 ans, puis un de 31 ans. Puis là, je regardais ça. Je regardais l'arsenal. Il n'y a rien là. Il y a rien là. C'est pour. Bon, puis ils ont l'air un petit peu redneck, mais c'est correct, ça. Je veux dire. Ils ont l'air des bons petits gars, bien corrects, là. Ben non, ils sont traités extrême droite. Puis bon. OK. Qu'est-ce que vous voulez? Mais finalement, moi, je vous gage, j'aurai même pas d'accusation. Peut-être à part pour entreposage. Voyons. En tout cas, mais entreposage négligent. Là, mais c'est. Moi, étant enfant, les armes, c'était banal. Il y en a tout le temps eu autour de moi. Il y a même, je me rappelle, à mes amis, là, dans la cave, on tirait de la 22 dans la maison. Puis bon. En tout cas, bon matin. Comment ça, Hare Krishna? OK, j'imagine que c'est de l'humour. Bonjour à tous. On veut l'or bleu. Moi, ouais, l'eau. L'eau. Coup de com'. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ben, moi, toujours ça comme ça. Toujours extrême droite. Ouais, c'est ça, là. Je veux dire, ça n'a pas l'air de l'extrême droite, ces deux-là, là. Ben, ça a l'air. Bon, si c'est ça, là, bon, en tout cas, comment tu vois le monde d'ici 2 à 5 ans? Oh, je ne vois pas encore. Ben, maintenant, on en jasera, mais. Ben, à un moment donné, il va y avoir une accalmie, c'est certain. Il va y avoir une petite accalmie, parce que ça finit par phase. Puis, des fois, les accalmies durent jusqu'à 3 ans de temps. Alors, bon, on va monter, là. On va manger matin, midi, soir, les petites bébêtes, moi. Ouf. Il y a beaucoup, beaucoup de propagande là-dedans, dans le sens qu'on essaye d'induire un comportement, de normaliser des comportements. Mais ça peut pas. Prenez les gens allergiques aux crustacés, ils peuvent pas manger d'insectes. Ça ne fonctionnera pas. Prenez les Juifs hasidiques, les musulmans, vous essayerez de leur faire manger ça. Ils vont dire non. Non, c'est pas cachère, c'est pas halal, on ne mange pas ça. C'est tout. Là, comme là, ça va être rendu, ben oui, mais si tu veux du cachal ou du halal, c'est parce que tu es extrême droite. C'est rendu. Vous voyez comment tout est reviré. Ça va être rendu, les Juifs sont nazis, extrême droite parce qu'ils veulent manger cachère. En tout cas, on verra. Bonjour. Prenez les gens de gauche. Avant, les gens d'extrême gauche, ils étaient contre le gouvernement, puis ils étaient protestateurs. Puis aujourd'hui, c'est les gens de la gauche, c'est tout le gouvernement, c'est tout correct. Puis si tu oses protester que tu es extrême droite, faut qu'il y ait une polarisation pour qu'ils inversent comme ça. Ça en est de la psychologie de masse, ça en est de l'ingénierie sociale. Les reptiles aiment les moustiques. Ouais, ben. Quand j'étais petit puis que je tuais un moustique, des fois, je le mangeais. Ça arrivait. C'était pour reprendre mon sang. Je mangerais jamais leur bébite. Ouais, tout ce qui a une carapace, là, comme les grillons, là, Non, là, c'est moins tendre que des moustiques. Bon, bonjour. Krishna a beaucoup d'humour, peur de Jésus et de tous. Ah oui, mais là, moi j'ai de la misère un petit peu avec ça, là. Les dévots de Krishna, là, j'en ai connu qui avaient été dans des ashrams, là, puis ils mangeaient pas quasiment, puis ils dormaient pas, puis ils fabriquaient de l'encens, puis. Il y en a un dévot de Krishna en Californie. Lui, il avait tout un arsenal dans son coffre de char, puis de l'héroïne. Puis... En tout Mais bon, moi, ces affaires-là qui viennent d'Inde, un petit peu de misère avec ça. Je n'ai rien contre. Bon, je suis persuadé qu'à l'origine, à la base, mais c'est une divinité locale, hein, Krishna, au départ, c'était. En tout cas, c'était une petite divinité, puis c'est devenu. Ben, j'ai rien contre les petits bonhommes bleus qui volent du yogourt. Hein? Attends que c'est pas. Ils font pas ça. Nous, c'est Rimson. Moi, je pense que tu rimes. Sans compter les parasites dans les grillons. Ah, Legault et Dubé n'auront pas de mal à en manger. Ils ont l'air de deux crapauds, moi. Faudrait pas interdire l'alcool, hein? Ces deux-là, moi, je trouve qu'ils ont l'air le foie fini. Le foie fini. Ils l'ont, le Brandenhouse, là, Dubé, là, et même le go, là. Il est plein de pustules, c'est vrai qu'il a l'air d'un crapaud. Leur plan ne sera pas viable à long terme. Ben non. C'est pour ça que souvent, des fois, on vous menace avec un bâton, puis c'est des coups de baguette, vous allez recevoir. Le plan, il est peut-être moins pire que ce qu'on nous fait miroiter, mais bon. Ils ont eu des comportements sectaires, en effet, moi. C'est pour ça, tout ce qui est possibilité d'un dogme autour qu'on monte des hôtels, puis des affaires de même. Là. Même, prenez le supramental, comme en Californie, ils mettent les photos de la mère, là, Mira, puis de Rubindo, puis ils font des offrandes musicales. Puis là, sont tout en transe, là. Sri Aurobindo, Mira. Puis c'est. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça épouvantable. Puis la première fois que j'ai vu ça, là, j'étais. J'ai fermé ça. J'ai dit, en tout cas. Plus grande usine du monde. Insect, ferme verticale. 200 000 tonnes en 2023, Poulainville, près d'Amiens. 4 hectares. Ah oui. Que penses-tu de ceci? Je ne sais pas. Je n'ai rien. Dieu a plein de noms. Ouais, ben c'est parce que l'affaire, c'est que justement, c'est des formes. Donc, hein? Bon. Bravo pour vos peintures. Parlez-nous de leur signification. Il n'y en a pas. Vous voyez, on n'est pas sur la même planète, là. On est au niveau de ces affaires-là. C'est-à-dire que c'est comme si je vous montrais l'alphabet. Je vous montrais un alphabet. C'est un langage. C'est lié pour les connexions synaptiques, la façon dont ça fonctionne, aussi votre système nerveux. Donc, ce n'est pas du signifiant. On n'est pas dans le psychologique, là. On n'est pas non plus dans le signifiant au sens archétypal de bon. Près des beaux vitraux, moi, j'ai déjà pensé. Ils misent beaucoup sur l'effet nocebo, oui. Ah oui, c'est très, comment je pourrais dire, insidieux. C'est très insidieux. C'est pour ça que, bon. Mais, OK, Q, il y a une question qui n'a pas rapport, mais que j'aimerais te poser. Ben, pose-la. Ben, si, OK. Continuez vos travaux sur le systémique ou bien êtes-vous arrivé? Non, l'affaire, c'est parce que ça va à l'infini. J'ai pas eu le temps de vous lire, Laurence. Ça va à l'infini. Donc, bon, j'arriverai jamais à la fin de tout ça, c'est pour ça qu'à un moment donné. Est-ce que selon toi, il y a un lien entre le mouvement de l'eau et la conscience? L'eau semble rager actuellement et le monde aussi. Ben, la conscience, c'est une question de survie, hein? Donc, bon. Exactement. Je ne vois pas de sens, mais de l'énergie moins possible. Que t'inspire le devoir de ne pas nuire dans le cadre de l'initiation solaire? Ça dépend. Ça dépend parce que c'est tout le temps relatif, ça. Sans tomber dans du relativisme social. Mais des fois, vous n'avez pas le choix de nuire. Ça arrive. Donc, bon. Mais, ouais, franchement, je ne vois pas spécifiquement à quoi vous faites référence. Mais des fois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, bon, des fois, il faut choisir le moindre mal, des fois, il faut se défendre. La force, pas d'être offensif ou belliqueux, mais des fois, on est attaqué, carrément. Il y a ce qu'on pourrait, on pourrait dire ça en guillemets, là, sans extrapoler trop, là, mais il y a des forces. Des fois, ça va nous tester à savoir si vous êtes trop passif, ça ne marchera pas. Ça va être un manque de discernement de l'être. Bonjour, est-ce que choisir la voie de la fusion esprit-âme plutôt que celle de la dissolution de l'ego aboutit à avoir des expériences dans la création davantage que d'être? L'affaire, c'est que c'est pas lié au libre arbitre, ça. C'est pas un choix. Donc, juste là, ça part mal. Je ne sais pas si vous voyez, là. Retenez, farine de grillon. Acheta domesticus, farine des larves. Alphinobius diaphinus. Ouf. Ça a tout l'air dégueulasse. Bon matin, si la supraconscience part au Québec, les gens devront observer car c'est pas avec les gens qui sont en consentement continuellement. L'affaire, c'est que c'est individuel, ça. Donc, ça va être partout à un moment donné, mais c'est des individus isolés. Puis même possiblement des gens qui n'ont jamais eu connaissance de ce matériel-là. Ça arrive. Donc, bon. Tellement que la conscience et la survie, ben oui. Il va falloir intégrer l'expérimental, c'est-à-dire qu'il ne sera plus question d'une survie au sens juste instinctif. Ça ne sera pas suffisant. Le bad key est mieux. Ben, franchement, je connais tellement mal tout ce qui vient de l'Inde. Donc, bon, j'ai aucune idée. Tout ce que je connais de l'Inde, c'est les affaires des années 70-80, les modes qu'il y a eu, c'est tout. Dit autrement, on y voit un mouvement énergétique pris dans une structure, dans vos peintures. Moi, ben, c'est des lois au-delà de la forme. Donc, on pourrait dire, mouvement pris dans une structure, c'est le formel. On peut pas non agir. On peut pas non agir. L'âme est faite pour agir. C'est les passifs, l'âme, de nature. Le principe actif, c'est l'esprit. Entre les deux, il y a l'ego qui est réactif. Puis pour ce qui est le non-agir, c'est la base du taoïsme. Que là, ça, je connais ça. Là, j'ai de l'affection, puis même ben, des fois trop, dans le sens où je le dis, oh, c'est ma faille à moi. Mais mes failles ne viennent pas d'Inde, ils ne peuvent pas venir d'Inde. C'est impossible. La récente migration des pôles magnétiques trouve-t-elle, ah oui, récente, trouve-t-elle une période de cataclysme et modification des continents ou bien cela peut-il être maîtrisé par les plans supérieurs? Bien franchement, je ne sais pas du tout, là, vous me perdez, puis c'est des choses auxquelles je ne pense pas vraiment. La récente migration des pôles, ah, que vous parlez, il y a eu un déplacement, mais bon. Bonjour Didier. Ben franchement, je ne sais pas quoi vous dire. C'est des choses auxquelles je ne pense pas. Ben de la misère. Bon. Denis Solange, les enfants sont attaqués, ils ne peuvent pas se défendre. Il y en a que oui. Il y en a qui vont se défendre. C'est certain. Mais là, c'est un cas sur combien qui vont réussir. Parce que j'ai tout le temps. C'était déjà commencé quand j'étais enfant. J'ai tout le temps résisté. Ça n'a jamais fonctionné, leur affaire. J'ai jamais cru ce qu'ils me disaient. L'amour et la dévotion. Ben, moi, on est dans d'autres choses, là. C'est de la spiritualité, votre affaire. Puis bon, moi, la spiritualité, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon là-dedans. Ah, bonjour, Trinity. Petit Jésus, Guéguic, bonjour. Valérie, bonjour à tous. Lui, c'est tout ce qui vient de l'Inde, c'est fini. Il n'y a plus rien aux Indes. Ben. Bon, ils ont des bonnes recettes. Des lois, quel genre de loi? Ben, un plus un, ça fait deux, ça, c'est une loi. C'est ça, des lois. Bon, là, on est sur une planète, là. Si je prends mon soulier, là, puis je le lance, hop, il retombe. C'est ça, des lois. C'est aussi simple que ça, là. Merci pour tes vidéos. L'oiseau manqueur, il n'est pas là. Ben, peut-être qu'il est occupé, il arrive. Bon, c'est pas pour être là tout le temps, je trouverais ça inquiétant. Le mensonge cosmique concerne tous les plans. Le mensonge de la Terre, globe, n'est-il pas le meilleur mensonge pour déformer notre perception du réel? Ouais, mais il n'y a jamais personne qui a réussi à reprendre, par exemple, les calculs de Galilée puis à montrer que ça ne marche pas vraiment. Donc, bon, on tombe dans. Pas Galilée, Copernic. Copernic. Galilée, c'est plus par rapport à la physique. Il y a des choses qui n'ont jamais pu. Bon. Ou l'expérience, là. En tout cas, différentes expériences. Mais ça, c'est des choses dont je ne m'occupe pas vraiment. Je trouve même pas ça intéressant. Je m'en fous, moi, que la forme, la patente. Je pense que ça ne change rien. C'est pas ça un os à ronger, c'est pas ça. Non. C'est certain que des enfants vont passer à travers. Ben oui. Ben oui. Est-ce que la fusion esprit-âme aboutit à développer la multidimensionnalité? La multidimensionnalité ou la réduire? La multidimensionnalité, elle va être là, peu importe. L'affaire, c'est est-ce qu'il va y avoir une intégration de la conscience? C'est-à-dire, votre affaire fusion esprit-âme, il faut que ça se passe au niveau d'une lentille que c'est l'ego. Parce qu'il ne peut pas avoir de conscience dans un plan incarné sans un ego. Donc là, c'est comme quelque chose qui est opacifié. Là, il y a des lois, il faut que ça soit intégré par la conscience. Puis c'est pas intégré comme apprendre du par cœur ou comme apprendre aux naissances intellectuelles. Ça n'a rien à voir. Donc, bon, c'est des processus longs, c'est lourd, c'est plate, c'est bon. Vivre simplement et avec des autres pensées. Moi, mais là, si on hiérarchise la pensée, la base, c'est de comprendre que la pensée, bon, c'en est du formel qui se densifie dans le mental, le plan mental. Donc, l'affaire, c'est de ne pas s'identifier à ses pensées. Il ne faut pas que ça devienne l'identité. L'affaire, je pense, donc, je suis, là. C'est pire que les globes, là. C'est pire que les. En Inde, il y a encore de quoi. 1,4 million d'êtres. Bah ben oui. J'irai, c'est justement. J'irai pas là, là. J'irai pas. De toute façon, j'aime pas voyager. Ben, j'aime voyager, mais pas comme d'autres. L'affaire, ben oui, il y a encore de quoi en Inde, mais là. Il risque d'arriver des choses. Prenez. Bon. J'essaie d'être gentil, là. Bon. L'Inde, non, sont encore avec leur système de caste. Bon. C'est correct, là. J'ai parlé de l'instruction de l'involution. Ah, OK. Ah, bon, il faudrait que je me souvienne plus de ce que vous disiez avant. Y a-t-il des influences informationnelles extérieures à la Terre qui visent à fermer les chakras? Ben, moi, ce que j'ai déjà vu là-dedans, c'est tout le temps planétaire, puis c'est question d'une gestion puis d'une régulation, dans le sens que ben, si vos centres sont ouverts, là, vous êtes en danger. Je veux dire, c'est un peu comme quelque chose d'immature qui est. C'est comme si je prends un petit minot là, de quelques semaines, puis je le mets dehors tout seul. Il va mourir, là. Il va être attaqué, ça va être une proie. Donc, bon. C'est comme une plante, la fleur ne peut pas sortir la première journée. Là. Sinon, elle va mourir, les énergies, ça ne sera pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'affaire, c'est qu'on a idéalisé certaines choses, puis ça devient des ouvertures, puis c'est dangereux. Dans le sens, des fois, ce n'est pas le temps. Pourquoi y a-t-il des influences informationnelles? Dans le fond, il y a du monde, les centres sont fermés, puis ça les protège. Les protège. Moi, j'ai pas envie de. Bon. Non, non. On va commencer par consolider, là, puis après. Hein? Bon. Je vois pas la loi de la gravité dans vos peintures. Par exemple, vous avez des formes récurrentes qui vont penser à un alphabet. Ben oui, mais moi, je vous parle des lois. Au sens des lois, c'est de l'autorégulé, de la cybernétique. Bon, ça fait partie, si on prend les plans comme de la cybernétique, ben, voyez-vous, la gravité, Oui, dès qu'il y a une forme dense, il y a des lois de conséquence à ça par rapport à sa masse et à sa densité. La gravité, c'est ça. Donc, c'est pareil pour toutes les lois. Je parle des vraies lois, là. Bon, c'est pas si compliqué que ça. L'affaire, c'est si si vous intellectualisez, vous réfléchissez, ça va être compliqué, alors que c'est simple, simple. C'est simple, ça sert même à rien de penser. Je finis par penser que la pensée, c'est une nuisance. Faut qu'on pense spirituel. Je suis pas quelqu'un de spirituel, mais alors là, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis pas quelqu'un d'intellectuel non plus, mais alors là, pas du tout. Puis même, je considère que les gens très spirituels, très intellectuels sont handicapés. Puis ils risquent de. Sont en danger, là. Souvent, c'est des gens qui se mettent en danger. Ça devient dangereux. Je pense donc j'y suis. Oui, elle est bonne celle-là. Annick, bon, un petit bonhomme qui est chaud. Les calculs de. Moi, je parlais plus par rapport à Copernic. Mais oui, Galilée, je parle plus par rapport à ses expériences de physique. Et bon. Fonctionne, mais les mathématiques ne sont pas réelles. Non, c'est un objet d'appréhension. C'est-à-dire, non, je ne dis pas que c'est la réelle, mais l'affaire, c'est parce qu'il va falloir aller au-delà des mathématiques, au-delà des mathématiques. Il va falloir tomber dans l'oscillatoire à un moment donné. Et prenez la géométrie. On est encore pris dans ce qui est euclidien, là. À un moment donné, on va se rendre compte que. Il y a une géométrie au-delà de la géométrie, il y a des mathématiques au-delà de la mathématique, comme on le dit. Les calculateurs prodiges, est-ce qu'ils calculent dans leur tête? Non, les meilleurs, ils ne savent même pas compter, puis souvent, c'est des arriérés mentaux. Puis, ils donnent la racine carrée de n'importe quoi. Puis là, vous leur dites, comment tu fais? C'est quoi le processus mental pour le trouver? Ils vont le dire, il n'y a pas de processus mental, je vois la réponse apparaître. Mais c'est des mathématiques pareilles. C'est juste qu'il n'y a pas de calcul. Non, le réel. Autrement dit, je peux décrire quelque chose qui n'existe pas avec des mots. Je peux faire la même chose avec des maths. Ouais, mais ça dépend de quoi on parle. L'année où les frères Wright ils ont fait voler leur avion la première fois, la même année, il y a un mathématicien qui avait démontré, entre guillemets, qu'un objet plus lourd que l'air ne peut pas voler. Comme si ce tata-là, il avait jamais vu un oiseau. Bon. Et pourquoi les peindre? Je les peins pas, c'est des petits points d'encre. Ça fait longtemps que j'ai pas peint. Mais pourquoi les peindre? Pourquoi? Pour mon système nerveux, pour mes connexions synaptiques, entre autres, pour m'habiter plus. La plupart des gens, ben, ils habitent même pas leur corps. C'est à ça que ça sert, entre autres, certains exercices, puis ils sont pas tout à fait incarnés. C'est pour ça qu'ils sont maladroits. C'est pour ça qu'ils sont malhabiles. C'est pour ça qu'ils peuvent pas marcher sur un trottoir glacé sans se péter la gueule. Ils n'ont pas d'équilibre. Ils ont les mains pleines de pouces. Le système nerveux, ça s'éduque. C'est pas du développement personnel. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir être incarné pour vrai. Les gens contrôlent pas ils s'habitent pas. Ils sont pas finis d'incarner souvent. Ils font plein de gaffes, ils se mettent en danger, c'est dangereux. Non, tu sais, pourquoi les peindre? Pourquoi faire du sport? Pourquoi, bon. Drôle. Si on est conscient de comment les choses fonctionnent ici, on consacre son canal à la fréquence originelle de son essence. Qu'il est encore dangereux d'avoir les chakras ouverts. Oui. Mais ça dépend, là. Ça dépend. Si vous suivez certaines traditions, que c'est ça comment un mouvement part en bas, puis là, il monte. Non, non, moi, on va commencer par avoir le discernement, puis après, là, ça peut. Un mouvement part de haut en bas. C'est un autre. Complètement un autre processus. La Terre est-elle vivante? Ben oui. A-t-elle une conscience? Elle a une intelligence, pas pareil. Ou bien c'est seulement la nature minérale, végétale et animale qui constitue l'entité Gaïa. Moi, à mes yeux, l'entité Gaïa, ça n'existe pas. Mais oui, la Terre est vivante. Mais oui, comme elle-même, elle a des points d'acupuncture, puis des. Bon, il y a des méridiens, comme sur un corps vivant. Mais là, de là, il donne une conscience à un instant. Prenez les anciens, parler de l'intelligence des astres, l'intelligence des planètes. Il n'y a jamais été question de conscience. Hein, que c'est ça, géométrie, ptamine, voir sa chaîne, il dessine pentagramme et plein de dessins intéressants. Oh, je connais pas. Tu n'imagines pas le bien que ça me fait de savoir que le soleil n'est pas loin de nous. Moi, je m'en fous, là. Je comprends pas, là. Comment ça peut vous. Comment vous rendez-vous compte à quel point vos pensées sont trop importantes, là? À quel point ça change trop de choses, là? Bon, vous voyez, là, moi, les nuits, là, le soleil. En tout cas, le soleil n'est pas loin de nous. Ça rapproche de la vie, de la conscience, l'univers et local, tout comme le soleil. Comment ça se fait que votre rapport au réel est lié à votre à vos pensées? Vous êtes en rapport avec des pensées, là, dans ce que vous m'écrivez. Donc, c'est le fait de savoir ou pas quelque chose qui va changer votre état. Alors que même comme le chat, là, il pense pas, puis il est bien quand même. Puis c'est pour ça que l'être humain, il est entêté, puis il va persister des fois dans des choses. Vous voyez, le chat, il recommence tout le temps, mais il se tape, puis il s'en va. Mais c'est parce qu'il pense pas. À un moment donné, il sait que je lui ouvrirai pas. Mais c'est parce que là, le bien que ça fait de savoir que le soleil, qu'il soit loin ou proche, ça change quoi, là? Ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça, c'est des choses que je m'en fous tellement. Je m'en fous tellement. C'est comme la forme de la planète, je m'en fous tellement. Ça change quoi? Ça change rien. C'est pas normal que le rapport aux pensées ait une telle importance. Je veux dire, c'est l'être humain, il pense le monde. C'est ça, je pense, donc je suis. Mais là, vous trouvez pas ça, justement, c'est un petit peu, vous trouvez pas ça encombrant, vous trouvez pas ça handicapant d'accorder une telle importance à certaines choses. Je veux dire, ça change quoi de savoir ça ou pas? Bon, je veux dire, prenons une plante. Elle fait sa photosynthèse pareil, elle se met pas à penser à la distance du soleil. Pas besoin. Est-ce possible que ce soit plus compliqué pour les gens qui sont repoussés par le New Age ou toutes les doctrines très mainstream aiment plus de difficultés à trouver un partenaire? Ben, je comprends donc. Je comprends donc. Ben, moi, c'est comme des madames New Age, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, je vois ça comme juste des paquets de problèmes. Puis je leur parle même pas. Dès que je sens une vibration un petit peu astrale ou qui est proche du New Age, j'évite. Mais j'ai vu que du monde les pieds sur terre, là, dans le concret. Amour universel, amour divin et amour christique, c'est pareil. Ben, de l'amour, c'est de l'amour, je veux dire. C'est une question. Ce qui relie d'une certaine façon, puis c'est fréquentiel, donc bon, disons qu'il y a différents degrés d'un même phénomène. Mais je ne me suis jamais posé des questions de même. Vous êtes drôle de. Et en parlant de quoi, que se passe-t-il au Canada avec toutes ces lois sur l'euthanasie? Ben là, ils vont élargir ça aux mineurs, puis les malades mentaux. Puis moi, je t'en dis, un jour, si on accepte ça collectivement, ben, on va finir par se le faire imposer. Marie-Jeanne a dit, la planète, elle est carrée. Ben, pour les Chinois, la Terre, c'est un carré, puis le ciel, c'est un rond. Mais là, c'est une question de densité. Là, ça n'a pas rapport avec la forme, dans le fond. C'est au-delà de la forme. C'est pour ça que les taoïstes, ils ont des chapeaux ronds puis des souliers carrés. L'être humain est entre ciel et terre. Il est multidimensionnel. Hein? Cela confirme pourquoi je. Oups, ça va trop vite, j'en perds. Un instant. Cela confirme pourquoi je m'en fous un peu de tout. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'on perd de l'énergie. Le plan mental, l'identité de la forme de la pensée, c'est des fois si on perd de l'énergie là-dedans. Ça rend malade. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'identifier aux pensées. Arrêtez de donner de l'effort, de l'importance. Voyons, c'est pas important. C'est pas ça qui fait que, bon. En tout cas, l'amour universel, c'est l'amour infini venant du créateur de la manifestation. Ben, je pourrais dire oui. Même si je dirais. En tout cas, je me souviens de. Non, non, la Terre est en forme de donut. Je ne me serais même pas capable d'être avec un homme vacciné. Ben, il y en a qui ne le sont pas, là. D'ailleurs, Guy se prône d'écouter et suivre les désirs de l'âme. Moi, le corps de désir, puis l'âme, puis elle confond esprit et âme. Pour elle, c'est le même principe. Donc, si on est dans le nouvel âge, je parle de ça à tête, eux autres. Puis bon, il n'y a pas juste ça, c'est une forme de. Il y a quelque chose d'anti-famille, puis d'anti. En tout cas. Mais c'est correct, s'arrange. Elle doit être heureuse, elle, de même. Bon. Il y a un audio intéressant de BDM sur leur curiosité qui répond à ces questions inutiles. Un audio de même, ça peut être utile. Il y a des choses importantes pour toi qui ne le sont pas pour moi. Il n'y a rien d'important pour moi. Je ne parle pas au niveau psychologique. Vous êtes nouveau, là. C'est un milieu là, au Québec là, par rapport comme Bernard de Montréal, puis Daniel Ménard, puis d'autres qui ont amené une certaine instruction, mais c'est pas qu'elle est importante. Ça n'a pas rapport avec ça. Là, j'ai l'impression, bon, on est dans d'autres choses. D'autres choses. Pour toi qui ne sont pas pour moi, c'est ma programmation. Ah, OK, bon, oui. Enfin, j'avais l'impression que le soleil n'était pas loin. L'éducation m'a donné tort et finalement pas. C'est drôle, j'arrive pas à. Non, je pensais pas à ça, des affaires de même. Mais des questions existentielles tôt comme ça. Mais bon, ben, c'est même pas des questions existentielles, dans le fond. L'enfant, il intuite des choses. Puis. L'éducation va le couper avec son esprit en lui enseignant que son intuition n'est pas bonne. Dans le fond, c'est de la désinformation. C'est de la déformation, l'éducation, souvent, l'instruction. Mais oui, c'est correct, dans le fond. Je vois rien à redire. Tu as dit la semaine passée que l'amour divin éteint l'électricité du corps. J'ai dit ça, je m'en souviens pas. Mental, échanger, recevoir de l'amour est alors un problème par rapport à la fusion. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Vraiment pas. Ça, c'est pas que j'ai dit ça. Ça dépend de quoi. Il devait y avoir un contexte là, à ce que je disais. Depuis lors, mes perceptions se sont ajustées. Ça a été une grande aide dans mon évolution. Ce n'est pas les pensées qui sont importantes, mais la crédibilité et mes propres perceptions, moi. C'est parce qu'au niveau, ce qu'on appelle le processus de conscientisation, il va y avoir de l'intégration. L'intégration. Parce que l'évolution, là, c'est à peine commencé. C'est même pas comment. Là, je parle pas dans un sens darwiniste, là. Mais l'évolution, là, au niveau de l'individu, l'évolution, n'est pas bien. C'est un phénomène qui est à peine, on pourrait même dire, c'est quelque chose qui n'est pas là encore. On est encore dans l'involution. C'est-à-dire que des affaires comme l'involution, l'évolution, c'est collectif, ça. Mais là, la conscientisation, l'intégration, ça, c'est des phénomènes individuels. Quand il va y avoir une addition de beaucoup de gens, là, ça, on peut pouvoir parler d'évolution. Moi, tant qu'à moi, je ne suis même pas commencé. Mais souvent, les gens vont dire mon évolution, mais là, c'est parce qu'ils se détachent de l'involution. Ils vont dire mon évolution. Mais la conscientisation, l'intégration, c'est pas nécessairement de l'évolution encore. Y a-t-il des mutations, là? Y a-t-il des génétiques? C'est ça que je veux dire, là. Donc, bon. Bon matin, hey, bon matin, l'oiseau moqueur. Hein, Denis Solange, Jordan, plusieurs personnes ici qui ne semblent pas avoir aucune idée du supramental. Il faudrait se prêter un peu à l'instruction. C'est pas si important que ça. Pour être franc, là, c'est pas si important que ça. Moi, la première fois que j'ai vraiment écouté comme du monde, là, que j'ai vraiment écouté Bernard de Montréal, je discutais avec une conjointe que j'avais dans ce temps-là. Puis là, j'expliquais, j'ai dit, oh, mon père et sa mère, ils étaient dans une secte, puis un esti d'affaire de fou. Puis là, elle dit, oh, ouais, qu'est-ce que c'était? Juste un bonhomme sauté qui s'appelait Bernard de Montréal. Puis là, je regarde sur YouTube, s'il y a des vidéos, je me rends compte qu'il y en a. Puis là, je mets Bernard de Montréal. Puis c'était le premier mystère cosmique. Puis là, Bernard, il dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, j'arrive même pas à m'en souvenir. Mais ça m'avait tellement frappé. Finalement, moi, je l'avais jamais écouté comme il faut. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, Chris, il a raison. Il disait quoi? Puis c'était vrai. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, ben finalement, c'est peut-être. Puis bon, en tout cas, c'est spécial, hein? C'est spécial. Mais c'était tellement intelligent, ce qui avait sorti. En tout cas, est-ce que tu penses qu'avec l'intégration de l'intelligence artificielle, notre processus d'évolution pourrait s'accélérer pour s'adapter à notre environnement et survivre à la machine? Ben moi, je compte pas là-dessus, là, l'intelligence artificielle. À mes yeux, bon, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, ça peut pas être artificielle, donc c'est d'autres choses. On pourrait dire que c'est de la technologie qui sert de support, mais là, est-ce que, bon, ça serait long, là, tu n'es pas seul, qui est ici, le soleil et la lune ont la même dimension, ils sont près de nous, ceci, c'est vrai que, qu'est-ce que ça change? Moi, c'est ça que je vous dis. Ça va changer quoi, ça? Moi, je m'en fous. Je m'en fous tellement de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? On fait quoi concrètement avec ça? Même au niveau par rapport à comment vous vous sentez, êtes-vous bien dans votre peau, êtes-vous bien dans votre vie, que le soleil il soit de la grosseur, voyons là, que ça change quoi dans les faits là, ici maintenant. Rien pantoute. Pour ça, je ne me questionne pas là-dessus, je ne pense pas à ça. Bonjour Max. Bon matin. Ah bon, bon matin à vous, Marie-Jeanne. Denis, si c'est pas une école de supramental, ouais, bon, les écoles. Mais selon moi, sinon ça deviendrait vertical. Cela fait juste voir la grandeur du mensonge dans lequel nous sommes, d'où l'importance de rester branché à l'intérieur. C'est parce qu'il y a le mensonge cosmique aussi. C'est-à-dire, les jeunes, une fois qu'ils réalisent qu'il y a un mensonge à tel niveau, là, ils tombent dans un mensonge à un autre niveau. Et ils pensent qu'ils ne sont plus dans le mensonge. C'est pour ça que le seul moyen de sortir du mensonge, c'est de ne pas donner d'importance. Il n'y a pas d'autre chose, là. En tout cas, ça, c'est ma technique à moi, là. Genre, on s'en fout. J'allais dire ça plus vulgairement. Qui sommes-nous vraiment, essence, esprit individuel, libre ou conscience de la source qui s'amuse à travers nous? Vous voyez, là, c'est une question de centricité puis d'identité. Es-tu réel ou pas? C'est tout, là. Ces questions-là deviennent, bon, qu'est-ce que l'Esprit Saint-Haut? Là, on tombe dans d'autres choses. On tombe dans d'autres choses. On va commencer par le principe de l'Esprit, puis après, on pourra regarder l'Esprit Saint. C'est parce que ce serait long, là. Puis en plus, je risque d'avoir des problèmes si je parle de ça. Il y a du monde dogmatique qui m'écoute. Ben, je peux pas, La pratique de la méditation avec respiration lente et profonde régulière éteint-elle l'électricité du corps mental? Pourquoi l'éteindre? Vous voulez un électroencéphalogramme plat? Il y en avait un comique au Japon, là, le capoté, le Shoko Asahara, puis il essayait de faire accroire au monde qu'il avait fait un électroencéphalogramme, puis il n'y avait aucune activité, il était en état de mort cérébrale. J'essaie d'intégrer mon expérience déjà alors la forme de la planète. Ben, c'est ça. Nous sommes des infimes parties de Dieu venus limiter ici. Le but est de comprendre et aimer en mourant. Hein? On n'est pas pantoute dans la même patente. Bon, wow. OK, bon, c'est ça votre affaire. C'est bien correct. Mais bon, juste là, aimer en mourant. Le but de. C'est à quoi, bon, avec les années, on finit par. Les autres, c'est d'être conscient, même dans la mort. Pas d'aimer en mourant, dans le sens que de la conscience, tout va de soi dedans. C'est-à-dire que quelqu'un de conscient, il va en avoir de l'amour, pas le choix. Pourtant, c'est plein de gens, il y a plein de gens, une majorité de gens, ils ont de l'amour, ils sont pleins d'amour, mais ils n'ont pas de conscience. Puis ils meurent plus vite. Oh, ben, c'est une programmation qui fait qu'ils vont mourir plus vite. Donc, le but de la conscience, de l'intégration, c'est de briser certaines programmations. La conscience, ça devient quasiment un accident. À l'envers. Source créatrice et Dieu, est-ce pareil? Ben oui, c'est juste la forme qui change. Mais ça, c'est parce qu'on est dans le plan, on est dans le mental. Fait que l'être humain, il change de forme parce qu'il interprète. Ça change qu'il y a une prise de conscience de. Oh, là, ça va trop vite. Voyons, j'étais où? Ça change qu'il y a une prise de conscience de l'ampleur du mensonge. Ben, vous savez, c'est parce qu'on perd de l'énergie. Je veux dire, c'est comme quand vous vous rendez compte que quelqu'un vous a menti. Ben, à un moment donné, c'est que d'être moins naïf puis de passer à autre chose. On n'est pas pour accrocher là-dessus, là. Puis, bon. Qui suis-je ou vais-je? Frère Clarisse, il suffit d'être. Si tu dois avoir une réponse, tu l'auras. Moi, je pense, mais ma blonde a des pensées. OK. Ouais, c'est pour ça, des fois, il faut mettre ça clair. On est encore totalement programmé. On est comme des robots téléguidés, on peut dire. Le voir, c'est de la conscience. Oui. Ah oui. Parce qu'il y a quelque chose de ce qu'on pourrait appeler ben, justement la programmation. Donc, tu fais de l'art systémique, je peux le dire. La même chose, ça sert à quoi? Je m'en fous. Au niveau des connexions synaptiques puis de votre système nerveux, il y a certains exercices, ça peut avoir une énorme différence. C'est à ça que ça sert. Tandis que moi, je peux vous répondre que ça sert à quelque chose. Tandis que de considérer que la Lune est à telle distance puis à telle heure, ben, ça ne va rien changer, là. Même au niveau de votre système nerveux, là. Dans le sens que vous n'allez pas avoir plus d'équilibre pour ça. Vous n'allez pas. Une affaire, des fois, je montre des fois. À un moment donné, prenez juste là, vos doigts. À un moment donné, il faut être capable de les bouger indépendamment. Mais de ça dépend de votre système nerveux, comment il est éduqué. Puis c'est pas que ça sert tant que ça à quelque chose. Mais pour avoir travaillé dans des cuisines pendant des années, j'ai vu des collègues se blesser très gravement. Je me suis jamais blessé. Je ne suis jamais tombé en marchant sur la rue, même sur de la glace. Jamais. Ça a une utilité d'avoir un système nerveux qui est habité dans le sens de d'être complètement incarné dans son corps, puis densifié dedans. Puis qu'il y ait un alignement, si on pourrait dire entre guillemets, des corps. Parce que sinon, vous êtes en danger. Il peut vous arriver des accidents, il peut vous arriver des inattentions dangereuses. Tandis que c'est quoi mon opinion subjective sur la taille du soleil que je peux pas vérifier, je peux pas prendre un galon puis la mesurer puis aller le mesurer là. Moi ça je trouve c'est pas ça sert à rien. Ça sert à rien dans ma vie de tous les jours. C'est pas ça qui va m'empêcher de me casser une jambe en descendant des marches parce qu'il y a du monde qui ont la tête ailleurs puis qui réfléchissent puis qui sont pas dans ce qu'ils font. C'est ça là. Est-ce que c'est si compliqué à voir? Parce que ce n'est pas une question de comprendre intellectuellement, c'est de voir. Soit c'est vu, soit c'est pas vu. C'est de ça dont je parle. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas supposé être si compliqué, là. Je souhaite voir plus clair. Bon, je vais cesser bientôt. Wow, ça va trop vite, là. Je souhaite y voir plus clair, juste pour justement ne pas éteindre mon électricité avec des pratiques dont je ne mesure pas vraiment l'effet. C'est des affaires bien simples dans le fond. C'est juste la base, c'est juste être en santé, avoir un système digestif qui fonctionne bien, avoir bon. Le reste, là, ça va suivre. Ça va suivre. Donc, bon. Tant qu'on reste attaché et l'aversion en mourant ou revient. J'ai de la misère à comprendre, là. Bon. Je me rappelle, mon père me disait, je ne suis pas attaché au bien de la terre. J'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Mais ça a été long. Ça a été long. C'est pas qu'il n'était pas attaché au bien de la terre au sens technique, mais il n'accordait pas d'importance subjective. En tout cas, il risque, bon. Selon toi, est-ce possible que l'humanité vive une transformation à la suite d'une augmentation de l'activité solaire ou du changement de pôle? Je vais être franc avec vous, des choses auxquelles je pense pas. Je pense pas à des affaires de même. Il y a Bernard, il a enregistré quoi? Il parlait de la différence entre la transformation puis la transmutation. Entre les transformations puis les transmutations. C'est très intéressant, ce qu'il disait. Mais il y a aussi l'épigénétique. Donc, bon, un même phénomène n'aura pas la même répercussion sur tout le monde. Donc, c'est correct. Les êtres réels sont alors absolus et éternels aux côtés du Créateur. Il y aurait moyen de le dire, mais avec un autre vocabulaire. Moins lourd. Mais l'éternité, ce ne sera jamais l'éternisation de la conscience de l'ego. Par contre, c'est le temps d'une incarnation que ça dure. Mais il reste que, bon, ça dépend de quoi on parle, là. Le corps est une machine karmique. Vous savez, le karmique, c'est juste une loi de conséquence, en tout cas à mes yeux. Mais j'accorde pas de valeur spirituelle à ça, là. Une machine karmique. Oui, s'il est question de programmation, mais il y a l'épigénétique, entre autres. Vous pouvez, par de la conscience puis de l'intégration, ça a un effet sur la génétique. Ça va être quoi, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, l'intégration, la conscientisation? Ben, c'est au niveau de la conscience, c'est de devenir son programmateur un peu. Bon, c'est pas grave, là, mais il reste qu'il va tout avoir une structure qui englobe d'autres structures. C'est correct, je n'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas vraiment. Là, je ne comprends pas. Le monde, il se casse la tête. Il se casse la tête. Puis bon, c'est pour ça qu'ils sont malheureux. Mais vous savez, être heureux, moi, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, mais je ne suis pas malheureux non plus. Je suis ni heureux ni malheureux. Puis je ne l'envisage pas comme ça. Ah, le malheur, ça vient être malheureux. Le malheur, ça vient du bonheur. Puis le bonheur, ça vient du malheur, c'est sa base. Donc, on est polarisé là, dans notre mental, l'intellect. Pourquoi l'être humain il est heureux ou il est malheureux? C'est parce qu'il pense, à moins que ça soit plus concret que ça. Là. Comme genre, si vous vous cassez une jambe, vous allez être malheureux. Mais c'est mieux que il y a du monde, ils sont malheureux puis ils n'ont pas de raison. C'est toute de l'illusion. Mais c'est pareil, le bonheur. Il y a du monde qui sont heureux, ils sont heureux. C'est toute de l'illusion. Ça peut s'effondrer n'importe quand. Donc, c'est pas solide, là. C'est pas solide. Nous nous posons tellement de questions, moi. Ah, c'est ça qu'il disait dans le premier mystère cosmique, Bernard, puis ça m'avait frappé. Il disait, on n'est pas conscient. Si l'être humain, il était conscient, il n'y aurait pas des questions, il y aurait des réponses. Juste là. Ah, c'est bien trop vrai. Qu'est-ce qui avait sorti une fois aussi? Puis j'étais complètement frappé. En tout cas, je m'en rappelle jamais sur le coup, mais il avait dit ça. Il dit, si on était conscient, on n'aurait pas des questions, on aurait des réponses. La conscience, comme une flashlight, envoyez ça par là, tu vois, t'envoies ça par là, tu vois, t'envoies. Il faut arrêter de prendre la flashlight des autres. Il faut que l'être humain, l'individu, va devenir sa propre flashlight. Ah! Ça m'avait frappé. Dans certains corps, il y a plusieurs et dans d'autres, il n'y a personne. Ouais. Ou plutôt, il y a quelqu'un, mais c'est un quelqu'un psychologique circonstanciel, une fausse identité. C'est-à-dire, l'expérimental n'est pas intégré. De toute façon, c'est tout le temps à refaire ça. Bon, hein, je vais devoir cesser là. D'habitude, je mets juste 1 heure. Bon, là, il y a trop d'affaires, là. Dans certains. OK. Non, mais si l'on nous ment depuis si longtemps, on finit par se demander ce qui est vrai. Rien. Ben, l'affaire, le vrai, c'est quoi? C'est l'enfer du faux, là. C'est comme de la polarisation. Je veux dire, ça vient de l'intellect. Prenez le chat ici, là. Il sait quand je ne suis pas content. Il sait quand je suis content. Il ne se pose pas de questions. Il sait. Bon, il est plus dans le réel que bien du monde. Donc, tu dis que ça ne change rien, mais ça a tout changé pour moi. J'étais bien dans ma vie avant et je suis bien après, sauf que ma vision s'était ajustée. Ben oui, mais c'est de la vision à des affaires que. Bon, ben tant mieux pour vous. Peux-tu nous expliquer ce qui est dangereux dans le supramental ou bien les personnes qui prétendent l'enseigner de. Voilà. C'est dangereux parce que il y a tout le temps des dérives par rapport à des supports. Il y en a qui en font un commerce. Puis ils vont ajuster les supports pour que ce soit rentable. Puis là, tout d'un coup, ça devient subjectif. Parce que le but, c'est plus l'intégration, c'est plus de la conscientisation, ça devient leur gagne-pain. Puis aussi, il y en a que c'est une compensation psychologique. C'est-à-dire, c'est d'avoir, ils n'ont pas d'identité réelle. Puis, ils vivent à travers le regard des autres. Donc, finalement, ça finit par devenir une fausse identité. Puis, finalement, ils vont, au lieu de déprogrammer, dépolluer, ils vont programmer puis polluer du monde. C'est là le danger. Entre autres, pas juste ça. Pas juste ça. S'il est mal intégré, si c'est mal intégré, l'instruction de la personne, elle peut se mettre à vouloir faire la guerre à l'astral. L'astral, ça se défend. C'est fort. Ça va servir de gens astralisés autour de vous pour vous contre-attaquer. Ça, le phénomène, je l'ai vu souvent. C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais au monde, j'ai dit, si vous vous intéressez à la conscience, puis là, je parlais spécifiquement à ce genre d'instruction-là, je disais, vous êtes dans la merde. Vous êtes sérieusement dans la merde. Parce que, en plus, ça va vouloir tester ce qui est intégré. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il y a des structures qui se densifient, ça va. Il y a quelque chose qui va vouloir vérifier si c'est solide. Puis là, finalement, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'expérimental, il commence. Puis c'est vraiment une pratique, c'est pas de la théorie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la théorie, tôt ou tard, vous allez être confronté à de la pratique. Puis c'est là que la plupart, ils se pètent la gueule. Puis pas à peu près. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens qui. Il y en a, ils deviennent fous. Il y en a qui deviennent suicidaires. C'est vraiment. Il y a un tri inhumain. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible aussi à constater. Mais ça a l'air que c'est comme ça. Donc, bon, que vous voulez que. Ça, c'est par expérience que je le dis. Ben, s'il y en a que l'instruction leur fait pas, mais vraiment pas, c'est intégré tout croche, c'est psychologisé, puis ils se mettent dans la merde, mais vraiment, là, incroyable. Puis ils le voient pas. Ils le voient pas. Ils vont vers un mur, puis ils le voient pas. C'est pour ça que c'est un milieu qui est quand même assez changeant. On voit du monde arriver puis repartir. On n'a plus jamais de nouvelles. On ne sait pas ce qui est arrivé. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Et ceux qui restent, il y en a beaucoup qui sont astralisés aussi, qui restent dans ce milieu-là. Parce que ça devient un peu. Mais souvent, ça va être lié à. Ils vont c'est parce qu'ils en vivent. Mais bon. Ça prend vraiment un ego terrible. C'est du monde qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego qui passe à travers. Ils ont beaucoup de stock à brûler. Donc, c'est étrange, mais des fois, c'est les pires qui sont les plus intéressants. Comme Daniel Nord, ça a l'air d'être un gros caractère. Monsus, j'ai entendu des affaires. Je ne m'attendais pas à ce que c'était quelqu'un, une personnalité rough de même, était dur en affaires. Mais bon, même Bernard, il a fait des crises à tout le monde. Le monde, il shakait comme des feuilles. C'est un petit monsieur là, de 5 pieds 3, là. Donc, bon, va falloir vous servir du négatif. Dans le sens que même vos défauts peuvent devenir des qualités. Elle a la transmutation, la capacité de conversion. Puis là, l'intégration, l'apprentissage, il y en a un. Si on peut dire. Après. Bon, va falloir que j'arrête, moi, là. J'ai pas fait la vaisselle hier. Là. Je vais la faire un matin. Les matelas de grounding peuvent sauver les électrosensibles. Ben oui, mais sont-ils tant en danger que ça? À un moment donné, je n'avais parlé de ça, puis j'avais dit attention. Parce qu'à trop vouloir se protéger, on s'affaiblit. Puis je donnais un exemple, les empereurs qui prenaient une petite dose de poison chaque jour. Puis quand il y avait un attentat au poison sur eux, ben, ils survivaient. Ils étaient malades un bout de temps, mais ils survivaient. Parce qu'ils avaient endurci leur système. Donc, tout ce qui protège trop, ça affaiblit. Je le sais que ça a l'air contradictoire, mais c'est vraiment de même que ça marche. Puis bon. Hein? La question la plus importante qu'il faut observer, c'est cette dame a-t-elle une pomme d'Adam? Ouais, ben ça, là, même quand que, je sais pas, ça doit s'enlever, ça. Mais même, là, de toute façon, là, une personne, là, quand ça fait pas, c'est tout. C'est vibratoire. Maintenant, fini, qu'on le sait. On le sait, si ça marche ou pas, là. Dans le fond, même ça, c'est peut-être secondaire un peu. Mais là, c'est du cas par cas, là. Mais bon, j'allais donner un exemple de quelqu'un dans le milieu, mais bon, je vais laisser faire, là. Même s'il est décédé, c'est pas de nos affaires, là. Puis bon, ça commencera pas, ça reviendra à faire du camp. La souffrance serait de ne pas respecter notre programmation. Et ça peut être la programmation de souffrir. Ça peut être de briser de la programmation, d'arrêter de souffrir, pour rien. Là, il y a une intégration de l'expérimental. Donc, c'est subtil, là. C'est subtil, mais là, il faut que je leur lise. La souffrance serait de ne pas respecter notre programmation. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est tout le temps lié à l'intégration vers la conscience ou pas. Parce que tout ce qui s'apprend pas par, tout ce qui n'est pas intégré par de la conscience, va falloir l'intégrer par de la souffrance expérimentale. Hein? C'est là que ça devient, ouais, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Tu parles du mensonge cosmique, est-ce que tu veux élaborer ou alors tu fais une vidéo sur le sujet? Il y a plein d'affaires qui ont été faites là-dessus. Il y a Bernard de Montréal qui en a parlé. D'ailleurs, l'instruction qui fait sa parole avant et sa parole après n'est pas pareille. Donc, c'est pour ça que c'est à prendre avec Bernard, là, le Bernard de 1980 puis le Bernard de 2000, c'est pas le même. C'est pas la même conscience. C'est à faire attention. Même, je suis pas mal sûr, Manor, c'est pareil. D'autres. Il y a Sabourin au fil des années, je vois pas de. Sabourin, c'est Sabourin. Il va être Sabourin jusqu'à la fin. J'imagine. En tout cas, Colissine, même chose pour moi, mais avant d'être bien à nouveau, j'ai fait des recherches dans tous les sens, entre autres. La naissance de la NASA. Ouais. Ben oui, la NASA. Ouais. Bon. Certaines programmations ont besoin d'une représentation spatiale réelle pour améliorer la qualité de la lentille, de la conscience et donc la perception du réel. Je sais pas. C'est peut-être du cas par cas, là, ça. Est-ce qu'il y a des êtres humains sur Terre qui ont réussi leur fusion? Y a-t-il plusieurs degrés dans cette fusion? Ça, ben, je vais être franc, je ne le sais pas. Je sais que Bernard, vers la fin de sa vie, il disait ben, que, dans le fond, il succombait à sa programmation, puis qu'il avait fusionné peut-être à 75%. Puis il y en a dans ce milieu-là qui se comptent des histoires. Il y en a un que je ne dirais pas lequel. Lui dit qu'il est rendu à sa deuxième fusion. L'être humain est multidimensionnel. C'est au niveau de la conscience en tant que phénomène intégral. Donc, s'il y a une fusion, il y en a une, il n'y en a pas 10. Il y en a un autre, elle a fusionné cette fois, qui a dit, wow, l'intégration des principes, c'est pas une fusion complète. C'est jamais fini tant qu'à moi. Puis tant qu'on est dans le plan matériel, c'est pas fini. Puis là, c'est pas une affaire de. Je le sais pas. Peut-être que, bon, ce qu'on nous raconte, les histoires en Chine, là, les taoïstes qui se promènent sur les nuées, là, qui sont rendus les cheveux blancs comme de la neige, puis bon, c'est tout ça une fusion complète, je le sais pas. Ça a l'air des spectres de l'astral. Donc, c'est quoi, là? Bon, c'est pour ça que ça devient délicat. Je ne peux pas parler de quelque chose que, dans le fond, je ne le sais pas. Parce que ce n'est pas de la théorie, là, ça, c'est de la pratique. Donc, il faut l'avoir faite pour le savoir. Mais par contre, au niveau d'un contact interne, quand il y en a un qui sort que lui a fait deux fusions, puis l'autre, elle a fait cette fusion, puis là, je le sais que ce n'est pas ça. Je le sais que ce n'est pas ça. Puis, de toute façon, on le voit après par le comportement, puis le manque de discernement, puis bon, hein? On juge un arbre de ses fruits. L'affaire, c'est qu'il faut juger maintenant, mais ce n'est pas au sens de juger, genre condamner, c'est plus avoir du discernement et du jugement. L'école donne des diplômes et la vie donne des leçons. Moi, c'est pas pire, ça. Je suis rendu en bas, là. Après quelques années, je me rends compte de l'importance de la parole. Oh, pour la conscientisation, oui. Oui, ça m'est arrivé de dire des choses, puis je ne le savais pas avant de le dire. Et là, l'exercice, entre autres, c'est pour ça, au fond, qu'on parle. C'est pour ça que Bernard lui parlait, je pense, dans le fond. Puis bon, un être peut-il émaner sur Terre plusieurs essences dotées de leur propre soi supérieur, esprit? Il n'est pas supposé avoir de diffraction. D'ailleurs, en ce moment, on nous fait la promotion de les personnalités multiples comme si c'était quelque chose de bien. Attention, là. C'est tout le temps indicateur d'un problème, puis qu'il n'y a pas d'identité réelle, il n'y a pas de centricité, puis ça démontre un passé traumatique d'habitude. Puis bon, le rôle du thérapeute, c'est qu'il y a une réintégration des. Bon, il va vraiment falloir que j'y aille. On est heureux ou malheureux tant qu'on reste psychologique, oui. Oui, ça c'est parfait. J'ose à peine voir comment les saisons, on doit apprendre à les tolérer. Ah oui, mais c'est quoi ça, V9, NT? C'est bien. Joie et peine viennent et viennent comme les saisons, on doit apprendre à les tolérer. Ben, moi, je parlerais, ça prend un certain apprentissage de la frustration. Ça, c'est de la vraie tolérance. Mais même là, si on ne le réfléchit pas, je ne suis pas heureuse non plus, je cherche plutôt à être en paix, le plus possible dans mon expérience. Ben oui. C'est pour ça que, bon, les moments où j'ai été le mieux dans ma vie, c'est tout le temps que je pensais pas. Donc, j'étais souvent assis dans mon jardin à faire du jardinage, ou bien j'étais, bon. J'aime beaucoup regarder. J'avais une place où j'allais, des fois, il y avait un petit quai, puis je regardais des pare-bottes. Ça, ben j'ai tout le temps aimé ça, regarder des poissons. Le vrai envers du faux, c'est la dialectique situationniste. Moi, hein, j'ai depuis de nombreuses années conscience d'une limite imposée sur ma conscience personnelle, empêchée d'aller au-delà des apparences pour voir clair est-ce l'effet d'une technologie. Pourquoi ce serait une technologie? Ça voudrait dire qu'il y a une technique avec des supports. Pourrait pas dire. Dans la question, il y aura la réponse. Faut pas avoir peur de se poser des questions avec la pratique. La réponse, la question sera de plus en plus ajustée. Ouais, puis à un moment donné, on se tanne de ce jeu-là aussi. Tellement qu'on finit. On se pose pas de questions, puis là, on observe. Juste voir l'observation. il n'y a plus besoin des questions et des réponses. Dans le sens où on finit par se rendre compte que le plan mental, ça ralentit la lumière. Si on peut dire. Merci pour votre programme du samedi matin, c'est apprécié. Ah bon, ben merci à vous. Oui, il va falloir que je quitte, là. Il y a tout le temps trop de. On est testé toute notre vie. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que tu sens que ta vie vaut la peine d'être vécue ou que tu donnes un sens à ta vie? Je ne donne aucun sens à ma vie et je n'accorde aucune valeur à rien. Je ne vois pas ça comme ça. Sinon, ça serait bien trop lourd, ça serait sans intérêt, ça serait pénible. Qu'est-ce qui fait que tu sens que ta vie vaut la peine d'être vécue? Ça n'a pas rapport. Non, ça, j'ai jamais envisagé ma vie comme est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine. Ben, le chat est plus sage que ben du monde. Il sort pas d'affaires. Il se demande pas si sa vie vaut la peine d'être vécue. Il la vit, c'est tout. Est-ce que tu donnes un sens à ta vie? Est-ce que le chat donne un sens à sa vie? Pourtant, il vit très bien. Il est bien, ce chat-là. Je veux dire, il se pose pas de questions, puis il donne pas de sens à rien, il donne pas de valeur à rien. Il est plus dans le réel que la plupart des humains de cette planète-là. N'importe quel oiseau dehors est plus dans le réel que la trois quarts des humains de cette planète-là. L'être humain, il vit dans le plan mental. C'est pour ça qu'il vit pas dans le fond. Hein? C'est de la mort à un moment donné. C'est ça le monde de la mort. Et où la survivance, le séjour des morts, entre autres, dans une sorte de. Ouais, c'est ça l'astral. Le plan mental planétaire. En tout cas, on est d'accord, OK. Bertold est rigide sur certains points, c'est lié à sa forte identité. C'est pour ça qu'on l'aime. Moi, c'est vrai que je suis rigide pas mal. Ouais. En même temps, je suis bien souple. Ben, merci l'explication qui fait bien réfléchir sur ce qui peut être dit ou non. Bon, un mono vivant. Moi, avant que la mort nous trouve du talent. Blague du chanteur has-been François Valéry. Ah, oh, je connais pas. Grand philosophe du showbiz. Mort de dépression. Ah, oh, ouais, on peut mourir de dépression. C'est un symptôme, la dépression, hein. Le karma, c'est le différentiel entre les potentiels de l'âme. C'est ça qui génère l'événementiel. Autrement dit, c'est une charge de conscience non métabolisée. L'expérience sert à annuler la tension. Mais c'est là qu'on peut voir que, on n'est pas créatif. Puis que le spirituel nous empêche des fois d'être créatif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Bon point, vous priez et chantez. Zaire les noms de Dieu. L'oiseau moqueur, la pomme d'Adam, c'est dans la gorge. Les gens électrosensibles ont souvent une toxicité aux métaux lourds, une désintoxication souvent nécessaire. Oui, c'est possible. C'est pour ça, moi, je vous dis, dans le fond, ça va. C'est possible, oui. Mais d'un autre côté, bon, pas tout mêlé. Mais la tolérance au. Mais même là, je trouve les métaux lourds ont le dos large, pas mal. En tout cas, plus tu étais démon, plus tu deviens un peu puissant. Moi, je sais pas, là. Le supramental, comme la musique baroque, on peut pas s'intéresser à ça d'un seul coup. Ben, moi, j'aimais, c'est ce que j'aimais le plus quand j'étais enfant. C'était la musique que j'aimais le plus, le baroque. Surtout Bach. Puis bon. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était construit. Parce que c'est quelque chose de construit. Puis c'est architectural. C'est architectural, le baroque. Puis en apparence, c'est quelque chose qui a l'air. Mais non, c'est tellement construit. Puis moi, j'aime ce qui est structurel. J'aime la structure. Puis bon, tu vois, c'est ça que j'aime dans le baroque. Ben oui, moi, c'est ça que j'ai aimé le plus. Le plus tôt, c'est la première musique que j'ai aimée, le baroque. Sancho. Ben, il y a l'opéra cantonais que j'ai plus tard, mais je n'avais pas accès étant plus jeune. Là, j'ai fini par adorer ça. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. On a tous des défauts, hein. J'ai sauvé cette dame électrosensible, elle est attaquée beaucoup. Ah, ben, c'est peut-être par un contre-programme. Vous savez, je pense que le trois quarts de ce qu'on vit, il y a du psychos, on somatise beaucoup. Donc, bon. Le karma, c'est un phénomène énergétique et ça se nourrit de ceux qui sont affectés émotionnellement par le phénomène. Ouais, là, je suis d'accord. Oui. As-tu des nouvelles de Glenn? Non. Non. Fusionner est un piège impersonnel. Moi, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Moi, la forme, en tout cas. La forme, c'est devenu. J'ai la sensation que Bruce Lee a fusionné avant sa mort. Et c'est presque pas une joke. C'est beau, là. Je l'aime pas, moi, Bruce Lee. Je trouve qu'il est arrogant. Je trouve. Bon, ben. Bon, je peux pas vraiment parler là-dessus. Mais j'ai quelque chose qui fait que j'aime pas ce gars-là. Je trouve qu'il s'est. Prenait pour un autre. En tout cas, il se prenait au sérieux. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, moi, pour le cinéma de Hong Kong, mon préféré, c'est Lo Lie. C'est un Malaisien en plus, lui. Bien plus intéressant que Bruce Lee. Les films sont bien meilleurs acteurs, ben, beaucoup plus agiles, beaucoup plus. En tout cas, c'est une affaire. Mais là, ça, c'est d'autres choses. Mais comme personne, je. Ah non, j'ai l'impression que c'est un fou de merde, Bruce Lee. Le fait. Moi, je le vois comme un. À mes yeux, c'est un petit peu un délinquant. Donc, bon, j'ai un petit Chris. Un petit maudit. Le fait de chercher autant à tout savoir, à tout comprendre, démontre à quel point on n'apprécie pas assez ce qui nous entoure. Oui. Bon, c'est vrai, ça. Eh, hey, mais non. Bonjour, tu en penses quoi de Daniel Kemp? Daniel Kemp, moi, c'est quand j'ai appris les affaires du dôme, le cossin des chefs, puis les phénomènes spiritoïdes. Complètement décroché, je ne veux plus rien savoir de Kemp. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, le nirvana, c'est un piège. Ben, ça dépend. La forme, en tout cas. Je me souviens que ma première question existentielle vers l'âge de 12 ans, que sais-je fou ici, moi, et je me souviens encore du vide que ça avait créé en moi. C'est le vide qui va être constructeur. Hein? Quand on pense trop, ça oblige à penser quelque chose par la suite. Moi, penser, PANSR, ben oui. Bon week-end, une bonne fin de semaine à vous aussi, Fleur Clarisse. Là, arrêtez d'écrire, il va falloir que j'arrête. Bon, Annick Limonade. Tout est axé sur la productivité. Difficile d'aimer notre vie, de sentir un accomplissement, de donner un sens à notre vie. Même dans notre travail, c'est toujours la productivité qui prime, surtout moi. Moi, puis ben, il reste que. Moi, à mes yeux, ce qui est important, c'est le résultat. Mais bon, pas au sens productivité comme. Bon. Et pourtant, vous êtes vivant. Je sais pas qui vous parlez. Ben oui, la forme de la Terre, ça fait partie du discernement, le discernement mental. Non, mais mettons que vous avez un terrain, puis que les arpenteurs, il y a deux arpenteurs qui l'ont arpenté différemment. Puis au milieu de votre terre, les fondations de votre maison, ça ne change rien, là. C'est juste de la proportion, là. Regardez les musulmans, ils disent Dieu est grand. Ils le rendent petit en disant ça. Il ne serait pas mieux de dire Dieu est incommensurable. Bon, c'est pareil, le reste, la forme de la terre. La vérité sur tous les plans. La mauvaise. La vérité, c'est l'envers du faux. C'est pour ça le réel, à un moment donné. Vouloir sortir de ça. La mauvaise foi est faite pour s'en servir. J'aime te taquiner. Bon, c'est pas si pire, là. J'ai connu pire, mettons. Pour moi aussi, c'est en jardinant que je me suis le mieux, que je me sens le mieux, OK. Tellement que parfois, ça me frappe. J'arrête 2 secondes pour me prendre conscience. Le temps de me dire, je suis bien. Moi, vous savez, dans le fond, on a besoin de tellement pas grand-chose, tant que ça. Puis bon. C'est pas tout le monde qui est contemplatif dans le sens que, bon, moi, c'est d'être dans ce que je fais. Vraiment, là. Les animaux peuvent pas comprendre et aimer Dieu. Nous, oui, vous pensez qu'ils conviennent. Non, ils n'ont pas besoin. Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu ou qu'ils ne savent pas, dans le fond. C'est parce que nous autres, on est pris par l'intellect. On intellectualise. Hein? Oui, quand on jardine, on se promène dans la nature, on est bien. Un bel après-midi. OK, bonjour, journée à vous. Ah, bonjour. Réseau moqueur, le baroque. L'homme au service de la musique et non au service de ses tripes. Moi, ouais, ben, surtout, si on prend des compositeurs comme Jean-Philippe Rameau. Waouh! Là, on tombe, c'est de la, ben, c'est du systémique, c'est des ordres systémiques, mais en musique. Mais bon, j'aime pas toutes les paroles, j'aime pas tout le temps que ça. Il y a Purcell, j'aimais bien Purcell, mais ça dépend à quoi. Mais de la musique, je suis plus capable d'en écouter ben. C'est drôle, hein, d'avoir tellement écouté de musique. Je dois avoir 400 disques compacts, puis quasiment tout, c'est assez pointu. J'ai tout le sous ailleurs. J'en écoute plus. Je ressens plus le besoin. J'ai tanné de. J'aurais jamais cru qu'un jour me passerait de musique. La technologie dont tu parles, c'est la mécanique céleste. C'est une technologie de mise en quarantaine qui sert à créer un plan expérimental comme la planète Terre. Ouais, puis là, il y en a qui parlent de matrice puis tout. Mais ça sert à quoi de matrice? Ça sert à la gestation d'un être en devenir. Ça, de ne pas le polariser trop. Exact. Tant que le karma n'est pas annulé via des polarisations, l'énergie sert à créer l'expérience non créative, d'où l'impression de certains d'être téléguidés. Ouais. Puis ça, j'avoue que j'ai de la misère un peu avec ça. Lucide, ça ne me concerne pas. Là, oh, vous parlant de vous autres, je vais essayer de descendre plus vite, là. Camp est comme la forme de la terre. Tu écoutes et tu t'en occupes jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça ne donne rien d'y donner de l'importance. Ben ouais, maintenant, il parlait dans le temps là, que les humains là, se divisaient en deux comme des cellules pour se reproduire. Puis là, j'ai écouté ça. Là, wow, là. Je l'avais arrêté. Mais moi, c'est surtout l'affaire, le dôme, là. Les phénomènes spiritoïdes, ils se mettent en gang là, autour d'une table, d'après moi, puis. Oh, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Là, ça a été fini là. Tiens. T'as fini là. Que tu n'aimes pas chez Bruce Lee, c'est peut-être ce que tu ne veux pas voir chez toi. Cela dit, je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose d'un bandit au début de sa carrière. Voir. C'est de voir que il y a eu affaire à des bandits après. Mais bon. Oh, c'est sa personnalité, je pense, que j'aime pas. Aussi, j'ai jamais été capable d'écouter ses films. Je les trouve pas bons. Je trouve pas bons, ces films. J'aime vraiment mieux L'Aulier. Vraiment, mais meilleur acteur, d'ailleurs. Plus agile, aussi. Je veux dire, comme athlète. Bon, au fond, c'est pas bien ben important. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, de toute façon. Ils sont tous morts jeunes en plus. Puis bon. Hey, on finit par être. Bon, on est rendu les aînés de ces gens-là. Le plus important, c'est de trouver un équilibre dans notre vie quotidienne. Le reste, c'est fait tout seul. L'intégration, ça ne se force pas. Et voilà. Non, c'est quoi, Moreau, souvent, je ne suis pas d'accord avec. Il y a des affaires qui font que j'ai une certaine aversion pour lui, mais des fois, il dit, l'effort est le signe de l'erreur. Là-dessus, il n'y a pas tort au niveau de l'intellect. Mais à d'autres niveaux, l'effort puis la constance, c'est la clé. Donc, bon, ben, bonne journée. Moi, je veux vraiment aller. Je dois y aller. Bonne journée à tout le monde. Merci.